prince Inter. C'est Oli. O-L-I. La Bibli des petits. Je suis pas petit. Je suis grand. Bonjour, je suis Zoé Valdez et je vais vous raconter l'histoire de Luna à Manhattan. Il faisait un froid de canard ce matin-là dans le New Jersey. Grand-père Gustavo avait beau avoir promis à Luna de l'amener voir les statues de la liberté, il eut un moment d'hésitation car il ne se sentait pas en grande forme. Luna avait fait le voyage avec ses parents depuis Paris pour rendre visite à grand-père, qui était soudainement tombé malade. Mais pour grand-père Gustavo, pas question de quitter ce monde avant d'avoir pu montrer de près à sa petite fille les statues de la liberté. Alors, oncle Marc et oncle Gus promirent qu'un peu plus tard, dans la matinée, ils les conduiraient en voiture jusqu'au fameux monument, non seulement l'un des plus emblématiques de la ville et du pays, mais aussi l'un des plus importants au monde. Luna prit un bain et grand-père la coiffa, après avoir séché et démêlé ses cheveux. Puis il l'aida à s'habiller. Elle porterait un ensemble en laine, robe et chapeau, confectionné dans un tissu léopard. « Luna, t'es le gentil léopard, toi !» s'exclama grand-père. « Tu connais l'histoire du gentil et du méchant léopard ?» La petite fille s'inonde de la tête. Il était une fois, en Afrique, un léopard qui avait très mauvais caractère et qui passait son temps à faire peur aux animaux de la forêt. Il s'appelait Méchant. Un beau jour, il rencontre un gentil léopard qui avait très bon caractère. Et il tombe amoureux de lui. Si tu veux être aimé en retour, tu vas devoir renoncer à ce mauvais caractère. Il va falloir que tu te calmes et que tu deviennes bon, lui répondit le gentil léopard qui s'appelait Sourire, parce qu'il souriait toujours à tout le monde. Méchant, qui était drôlement ronchon, n'échange pas tout de suite, mais il était si amoureux qu'il finit tout de même par devenir aimable. Méchant et Sourire se marièrent et ils eurent plusieurs petits léopards. Et depuis ce temps-là, les animaux de la forêt sont moins inquiets et vivent heureux. Dis donc, grand-père, elle est vraiment courte, ton histoire, soupira la petite fille. Et puis, je suis un peu grande pour ça maintenant. C'est pour les tout petits. Attristé, grand-père soupira à son tour. Maman appelle discrètement Luna. Depuis la chambre, elle la prit par les bras et, agenouillée devant elle, lui dit « Luna, grand-père est malade. Il ne peut pas travailler. Il a besoin de se rendre utile. C'est pour ça qu'il a imaginé cette histoire. Et toi, tu l'as envoyé promener. Ce n'est pas bien. Mais maman, c'est juste que tu n'as pas été gentil, c'est tout, lui dit maman. Je m'en veux, j'étais désagréable comme méchant le léopard, dit Luna au bord des larmes. Quand même pas, ma fille, mais quand quelqu'un est malade, il a besoin qu'on l'écoute, qu'on fasse attention à lui. Est-ce que grand-père va mourir? Demanda la petite fille, les yeux tout humides. Personne n'en sait rien pour le moment, ma fille. Il se sent très malade, mais il est suivi par un bon médecin. Luna sécha ses larmes et se précipita vers le salon où elle retrouva grand-père assis sur le gros fauteuil. Elle grimpa sur ses genoux et l'embrassa sur les joues. À cet instant précis, oncle Marc et oncle Gus klaxonnèrent depuis la rue. Luna prit son grand-père par la main et descendit les escaliers en réglant son pas sur les pas longs et laborieux du vieil homme. Ce fut une promenade merveilleuse Ils parcoururent presque tout New York, admirant les gratte-ciel, les boutiques, les larges avenues, les taxis jaunes, et cette foule tantôt arrêtée à un feu rouge, tantôt en train de traverser les rues, un troupeau. Ils allèrent voir des librairies, puis arriveront au port. Après avoir marché le long du quai, il fallut faire une pause pour que grand-père se réchauffe avec un bon chocolat chaud. Tout le monde mangea des gâteaux et des fruits. Devant la statue de la liberté, grand-père s'arrêta. Ça, Luna, c'est mon symbole préféré dans cette ville. Des milliers et des milliers d'émigrés et d'exilés sont venus dans cette ville, dans ce pays, des gens comme moi. Comme moi, ils recherchaient la liberté et nous l'avons trouvée. C'était des Irlandais, des Anglais, des Italiens, des Européens, la plupart venus d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Des gens persécutés qui fuyaient l'horreur de la guerre, du fascisme. Ensuite, il y a eu d'autres vagues d'exilés fuyant d'autres horreurs, le communisme. Ils ont reçu ici l'accueil dont ils avaient besoin, et puis ils ont trouvé un refuge, un foyer, du travail. New York est une ville chargée d'histoire, et cette histoire vient des quatre coins du monde, car nous en avons tous apporté une partie avec nous. Tant d'artistes se sont retrouvés à Manhattan, tant d'hommes et de femmes brillantes qui ne pouvaient pas créer chez eux, qui ne pouvaient pas réaliser leur œuvre. Ils ont pu le faire ici, grâce à la liberté qu'ils ont trouvée dans ces pays. Sans perdre une miette de ce qui lui racontait son grand-père, Luna observait au moyen de la longue vue installée dans les murs, les gigantesques monuments, cette femme au visage paisible, vêtue d'une toge et torche en main pour faire briller la vérité et la justice, la liberté et la vie. Grand-père, pourquoi est-ce que tu habites dans le New Jersey et pas à Manhattan? Demande la petite fille. Parce que c'est dans le New Jersey que j'ai trouvé du travail. Manhattan est une ville formidable, très grande, c'est une belle ville. Mais la vie n'y est pas toujours aussi merveilleuse et confortable que dans les films. Comme la nuit tombait, oncle Marc et oncle Gus amenèrent grand-père et Luna manger dans un restaurant des exilés cubains d'origine chinoise. Le restaurant s'appelait Chinita Linda, jolie petite chinoise. Le grand-père de Luna repensa au père de son ex-femme, l'arrière-grand-père de Luna, un chinois, chanteur d'opéra, qui avait atterri à Cuba comme émigré lui aussi. « À quoi penses-tu, grand-père ?» La petite fille posa sa main sur celle du vieil homme. À notre famille, la petite fille. Toute une famille d'émigrés et d'exilés. Notre famille a parcouru presque la terre entière. Demain, je te ferai découvrir les quartiers chinois de New York. Ça te dit? La petite fille acquiesça, tout en portant à sa bouche une cuillère de riz au lait. Ils échangèrent tous les deux un regard empli de bonheur. Et grand-père adresse un clin d'œil complice à sa petite fille. « Tu veux bien que je te raconte une histoire à mon tour ?» lui demanda Luna. Elle adresse un regard à sa mère pour chercher son approbation. Sa mère la lui donna. « Là-bas, à Cuba, il y a ce qu'on appelle les guijes. Ce sont comme des lutins qui vivent dans les troncs d'arbres. Des enfants qui ont la couleur de la terre. De leur nombril coule de la confiture des goyavas. Parce que le nombril ressemble à de petits bouts de goyaves mûrs. » Elle tourna les yeux en direction de son oncle Gus, qui lui sourit. La petite fille continua. Et puis les guijes grandissent, et une fois adultes, ils deviennent les gardiens de la forêt. Chacun d'entre eux veille sur chaque branche de chaque arbre, de chaque forêt. Ça n'a pas toujours été facile parce qu'on les a abandonnés. Mais malgré tout, ils ont réussi à sauver de vastes territoires En suivant les conseils des vieillards, les gardiens de la sagesse de la montagne, qui pendant des années ont demandé le respect de la faune et de la flore. Ses petits grands-pères, ses petites grand-mères, ils tombent malades aussi, comme toi maintenant. Alors les Guijes, leurs enfants et leurs petits-enfants, prennent soin d'eux avec amour. Ils les allongent sur une couche moelleuse, faite d'herbes médicinales qui sentent bon. Réunis autour d'eux, ils leur chantent de berceuses pour enfants, et ils restent là à chanter en attendant qu'ils guérissent, ou bien... Luna fit un grave silence. Oncle Gus termina à sa place. Ou bien qu'il meure, il posa un bras sur son père. C'est une histoire que j'ai racontée à Luna il n'y a pas très longtemps, et il a voulu l'apprendre par cœur. C'est une très belle histoire, ma petite fille, répondit le vieil homme d'un ton convaincu. Et alors, que se passe-t-il, ma chère enfant, lorsque ces vieux sages de Guijes meurent? On les couche tout en haut des arbres pour que le soleil absorbe leur âme. Ensuite, on attend que les corps se décomposent sous l'effet du vent et que leurs cendres recouvrent l'île tout entière. Quand nous serons rentrés à la maison, pendant que je ferai une sieste bien méritée, promets-moi que tu me chanteras une de ces chansons, lui dit grand-père. D'accord, grand-père, j'en connais deux. Tu dormiras et tu guériras. Et il en fut ainsi. Luna imagina qu'un jour, éparpillée au vent, les cendres de grand-père survoleraient cette autre île qu'on l'appelle Manhattan. Mais ces jours-là n'étaient pas encore venus. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit. Non, une autre. Oui. Tu as aimé ce conte? Sais-tu que tu peux déjà retrouver en librairie 6 histoires de la collection Oli France Inter dans de beaux albums illustrés?